sur cette ère des années folles. Eh bien, on s'en va rejoindre notre ami Alex Dorval du Temps d'une pinte. Salut Alex, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Bonne année. Hey, bonne année, Denis, ça va? Ça va bien certain. Puis quand t'es là, je te l'ai tout le temps dit, ça va tout le temps mieux. On apporte du réconfort. Ah oui, on apporte du réconfort pour le cœur et pour la tête. Oui, aujourd'hui, la chronique, pour commencer l'année, je vais vous parler d'un produit qu'on lance au Temps d'une pinte. C'est une bière au beurre. Oui. Donc, la bière au beurre, ça fait un petit peu fureur là, présentement. Quand on parle de ça, les gens sont venus nous demander qu'est-ce que c'était, était où ils la cherchaient sur le menu. En fait, c'est un produit qui sert chaud. Puis, on va le servir, nous, pendant nos 5 à 7 cet hiver, du jeudi au samedi jusqu'à la fin de l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'une bière au beurre? C'est ce que je m'en allais dire. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas vraiment alcoolisé, dans le sens que c'est une bière qu'on fait réduire, donc on enlève l'alcool, ou on utilise okay. carrément le moût avant la fermentation, donc un jus de céréales plus sucré. Puis, on barate ça avec du beurre froid et de la cassonade. OK. Donc, pour ceux qui ont déjà fait du sucre à crème, ça ressemble beaucoup à une recette de ça. Puis ça goûte ça, mais c'est un sucre à crème liquide. Puis nous, okay. on propose une version avec un bon rhum épicé. C'est vraiment excellent. Puis l'idée nous est venue un peu du fait qu'ils font ça dans Harry Potter. Total. Les sorciers s'abreuvent d'une butterbeer. Oui. Puis la butterbeer, ça n'a pas été inventé par Rowling de Harry Potter, ça a été inventé par... c'est une tradition britannique, c'est une vieille recette, c'était dans un livre de recettes du 16e siècle okay. qui se nommait The Housewife Handmaid for the Kitchen. OK, donc tout ce que la bonne femme de maison ouais. peut faire à la maison et à la main, finalement. Oui, c'était en 1588 à Londres. Et eux autres, ils le faisaient avec du sucre, des œufs, du clou de girofle, puis du beurre. Oui. Puis des fois, il y avait une autre recette qui était sortie aussi au 17e siècle avec un côté plus liquoreux, puis ça ressemblait beaucoup à une root beer, là, donc okay. avec des racines de salse pareil et tout. Fait que nous, on l'a fait avec une bière brune ou avec une bière noire. Là, ce soir, okay. on l'a fait avec La Fonte, qui est notre Imperial Stout, notre nouvelle bière qui vient de sortir. On va faire une butterbeer avec ça. Donc, wow. on fait réduire une bière à 9% d'alcool. Fait qu'il y a beaucoup de sucre résiduel. Ouais. Ça va goûter le sucre à la crème. Le gâteau. On va avoir des petits trous de beigne faits okay. maison par les cuisiniers qui vont être servis avec ça. Génial, ça. Puis on a aussi Neige qui est là ce soir, donc la face cachée de la pomme. Oui. Puis ils vont faire gratuitement de la cire de cidre de glace. Wow! Aïe, de la cire de cidre de glace, je ne savais pas que ça existait. Moi non plus, mais j'en veux. Ben là, moi aussi. Puis, dans le fond, il paraît que depuis 2010, ils vendent ça au village d'Harry Potter dans Universal okay. Studios. Oui, oui, oui, oui. Il y a une de nos employés qui quand elle dit « Hey, vous faites de la bière au beurre comme celle que j'ai bu au Universal Studios. » Je fais « Ah ouais, t'es allé. » Elle a goûté ça là-bas. Puis elle dit que c'était bien bon, mais elle a goûté un autre, puis meilleur. Bon, ben tiens, hein? Je suis pas surpris. Puis, Ben non, mais quand même, hein, faut un peu de chauvinisme. Oui, oui. Ouais. Puis, dans le fond, ce breuvage-là, il est servi là-bas, puis il est servi aussi, supposément, sur une carte secrète dans les Starbucks aux États-Unis. OK. Fait qu'il paraît qu'au Starbucks aux États-Unis, tu peux demander « Avez-vous une carte secrète? » Puis ils te sortent ça, puis il y a la bière au beurre d'Harry Potter dessus. OK. Ben c'est ça, parce que dans le fond, comme tu dis, c'est pas alcoolisé. C'est pour ça que les jeunes sorciers ont le droit d'en boire. Oui, mais ce qu'ils disent, quand je regarde l'affiche ici, ils me disent que même si les House Elves, ils peuvent être intoxiqués par la Butterbeer. Ah, les moldus! Ah, ça doit être ça. En français, c'est les moldus, ouais. Les moldus peuvent être intoxiqués, mais la bière contient un effet négligeable parce qu'il n'y a pas d'alcool. Mais nous, dans le fond, on l'a fait réduire complètement pour être sûr qu'il n'y a pas d'alcool pour pouvoir la servir à tout le monde. Ah, OK. Puis on met pas de rhum quand on la sert à un enfant. Ah. À part s'il me demande la carte secrète. À part s'il la demande, c'est ça. Puis on a ça, dans le fond, dans les Starbucks, sur une carte secrète. Puis sinon, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Non, ben moi, j'en ai pas vu souvent. J'ai entendu ça juste dans Harry Potter. Fait que là, c'est comme une exclusivité, le Temps d'une pinte. Fait que les gens, ils vont venir de partout au Québec. Total. Pour exact. Goûter à ça. Fait que, dans le fond, c'était pas mal ça pour cette semaine. Okay. Je vous invite à venir à notre premier anniversaire, c'est ça, le week-end. Hein? On fête tout le long du week-end à partir de 5h ce soir avec l'ouverture du bar de glace puis la face cachée de la pomme qui est là pour la tire de cette de glace. On a aussi le lancement de notre carte de digestif, donc tous nos scotchs, vins, eaux de vie qui vont être mis en vente dès ce soir. Et puis, ce week-end, donc vendredi soir, on a un minuit festif. On reste ouvert spécialement jusqu'à 3h AM. On va fermer les lumières, on va être à chandelle. Il va y avoir du service en échasse. On va probablement percer un casque aussi. Ensuite, on va peut-être avoir des mets spéciaux. Le samedi, on fait un atelier de dégustation de café à 1h en début d'après-midi. Okay. Et puis, on fait ouverte au public. Puis, on fait un atelier de dégustation de bière à 3h. Génial. Ensuite, dimanche matin... Une messe. Ça serait hot. Une messe à la bière. C'est quasiment ça, parce qu'on espère que c'est quelque chose qui va devenir sacré toutes les années. On va faire un brunch premier anniversaire. Excellent. Fait que la deuxième année, on fera pas un brunch premier anniversaire. Non, mais il va y avoir un brunch quand même. Il va y avoir un brunch. le menu est sorti pour le brunch premier anniversaire, je peux vous l'annoncer. Ben oui, certain, c'est me donner faim. Comme il va y avoir deux choix. Il va y avoir le fameux chicken and waffle, qui est un classique des États-Unis au Kentucky ou dans les États des jazzmen. Il y avait du poulet frit avec des gaufres. Wow! Et puis, on a l'assiette de steak and egg, qui est notre spécial de l'Ouest, qui va être servi aussi. On va avoir plein de petits produits, des yogourts, des rillettes maison et tout, qui vont accompagner ça. Puis, ça, c'est à partir de quelle heure dimanche? Ça, c'est de 10h à 14h dimanche. Vous pouvez appeler au restaurant au 819-694-4484 en salle à manger. Puis prendre une réservation. Oui. Donc, il n'y a pas de billets en vente. Vous faites simplement prendre une réservation, puis vous pouvez venir, puis tout est à la carte. Premier arrivé, premier servi. Exactement. Fait que ça va être notre premier anniversaire. On va aussi avoir des visites de brasserie. Gustavo va être là pendant un bon bout de la soirée, de toutes les soirées, puis de la journée, pour ceux qui seraient intéressés à faire voir un comment bistro. Ça se fait, tout ça. Oui. Fait que toute une programmation pour le week-end. Puis nous, on s'en va préparer la bière au beurre. Drette là, c'est ça, vous êtes prêts. Vous avez une grosse journée aujourd'hui. Ouais, on a quand même une bonne journée. Fait que on va tout mettre ça en place, puis on vous attend sur la terrasse pour 5 heures. Ben génial, Alex. Toujours bienvenue ici. On se revoit jeudi prochain. Oui, absolument. Excellent. Puis je vais essayer d'aller voir, mais pas sûr. On va voir qu'est-ce que l'horaire va me dire. Excellent. Mais en tout cas, bonne continuation, puis bon premier anniversaire au temps d'une pinte. Merci beaucoup. Bonne journée. Yes, salut.